Cours numéro 13. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir babayn. Fama huwa al-babu al-awwal alladhi akhadna? C'est qui nous rappelle le premier chapitre qu'on a vu dans le dars précédent. Total. باب أو باب من الشرك النذر لغير الله. فلماذا ذكر هذا الباب هنا رحمة الله عليه؟ Pourquoi il a cité هذا الباب في كتاب التوحيد؟ عند من تفضل؟ نعم لأن النذر عبادة زيد. نعم من صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. Vu qu'on a notre قاعدة, qui c'est qui nous la rappelle, قاعدة المهمة في التوحيد. تفضل. إذا ثبت أن شيئا عبادة فمن صرفه لغير الله قد أفلح. أحسنت. أن إذا ثبت أن هذا الشيء عبادة كسواء الذبح أو النذر أو غير ذلك من العبادات فصرفها أي صرف هذه العبادة accomplir cette عبادة pour autre qu'Allah سبحانه وتعالى c'est du shirk. C'est pour ça que Cheikh al-Islam il a cité مثل هذه الأبواب النذر et كذلك بعده ما هو le باب qu'on a vu. تفضل. أحسنت. من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذا نفس الشيء أن الاستعاذة c'est un دعاء, c'est une demande, طلب. فالسلوي qui demande à autre qu'Allah سبحانه وتعالى vu que الاستعاذة c'est une عبادة فهذا c'est du shirk. Sauf dans certains cas العلماء ذكروا قيود لمثل هذه الأبواب في الدعاء أي la demande الطلب من غير الله عز وجل c'est pas forcément du shirk. من يذكر الشروط تفضل. نعم أما demander مثلا si on prend l'exemple d'un homme vivant حي قادر il est capable وحاضر il est présent هذا ليس من الشرك. C'est une demande, لكن c'est من حيث أو من جهة السبب في هذا الحال. وهذا سيبرمي كما سيأتي المزيد إن شاء الله تعالى اليوم. Quand on dit سيبرمي, أي c'est pas du shirk. وإلا فسي c'est une demande de haram, c'est haram. Si c'est demander quelque chose de makro, c'est makro. Et أصل المسألة c'est pas recommandé في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نتايي plusieurs fois. من يقرأ هذين البابين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الرحمن بسم الله تعالى رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يؤمن بالنذر وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة نذرتم بالنذر إن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلن يعصيه. باب من الشرك الاستعاذة لغير الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يلحق من منزله ذلك رواه مسلم. أحسنت. ومن يريد يقرأ الباب الذي سنأخذه اليوم تفضل. ولا تدعوا من دون الله استغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب سسوي الباب précédent أي من الشرك الاستعاذة بغير الله، لأن الاستعاذة دعاء. Et on va voir que c'est un dua dans un certain cas. Wa al-istighatha kadhalik dua'un talab. Wal ulama yufarriqun bayna al-istighatha wal istighatha. Et huna kadhalik dans ce bab aw yad'u. Et le dua c'est plus global. Fa dua c'est en global al-istighatha wal istighatha. Fa fil haqiqa al-istighatha c'est un dua. Wal istighatha c'est un dua. Lakin العلماء يدون دي ديفينيسيون فلهذا يقولون ان الاستعاذه سي بور تيل شوز الاستغاثه سي بور تيل شوز والكل دعاء فلهذا هذه الابواب حقيقه سي شابيتر يس ريسومبل الدعاء سي عباده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده فالصرف هذه العباده لغير الله سي دو شرك. أما ces appellations استعاذة استغاثة جاءت في القرآن والسنة العلماء اللي ديفينيس أن مثلا الاستغاثة كما سيأتي اليوم c'est pour se préserver ou demander que Allah nous éloigne de tel شر وهكذا إن شاء الله نقرأ les différences. قبل ذلك مناسبة الباب قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص أنه ذكر فيه أي المؤلف رحمه الله نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا تقدم معنا كثيرا. تعريف الاستغاثة dans le درس précédent on avait cité un تعريف الاستعاذة واليوم نسيت التعريف تعريف الاستغاثة ثم إن شاء الله ننظر لديفيرانس. الاستغاثة طلب الغوث والاستعانة طلب العون. ففي الحقيقة tu as trois choses. Tu as الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة. Et c'est un dua. C'est une demande. Que ce soit tu demandes à Allah un bien ou qui repousse un mal. Tout ça c'est dua. لكن par rapport à la signification, tu as un nom en langue arabe. فالاستغاثة, on revient à notre chapitre d'aujourd'hui. قال وهو إزالة الشدة. Vous verrez que الاستعاذة ça ressemble. تقدم معنا الاستعاذة كذلك. أنه من هذا الباب إزالة الشدة. لكن العلماء ils ont cité une différence. فقالوا أولا نغبت أن الدعاء اسم جامع كي انغلوب تو سي تيرم كسوا الاستعانة. الاستعانة سي طلب العون دوموند ديد أو الاستغاثة أو الاستعادة. فالدعاء سي انغلوب تو سا. أما فالاستعانة سي طلب العون دوموند دو ليد. فهذا واضح. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المادة في لغة العرب أي الاستعانة استغاثة استعاذة. Vous avez remarqué que c'est toujours le même début. ألف والسين والتاء ثم un mot. فالست ce début de mot ça signifie الطلب une demande. فاستعانة طلب العون استغاثة طلب الغوث استعادة طلب العوذ وهكذا. Donc, الدعاء s'englobe tous ces noms. أما الفرق, et c'est ce qui nous intéresse هنا, بين الاستغاثة والاستعادة, فالعلماء يقولون أن الاستغاثة لا تكون إلا لمن قد وقع في مكروب. الاستغاثة أي الباب qu'on va voir aujourd'hui من الشرك أن يستغيث هذا quand c'est employé أي الإنسان qui va faire ce talab qui va demander à Allah عز وجل il est déjà في المكروب مثلا la maladie كربون. Celui qui est malade yastaghithu billah azza wa jalla. Ou واحد qui est dans il a des problèmes, il est fidhiq, fi shidda, il est dedans. Et il est éprouvé. Fa hada yastaghithu billah. C'est ça le sens de al-istighatha. Amma al-isti'ada fa takun fi haqq man yatlub daf' al-makrub qabla an yaqa' bih. Amma al-isti'ada et le chapitre qu'on a vu dans le dors précédent, et c'est avant d'être touché par la chose. Enfin, l'istighatha, c'est dès que le mu'min, il est touché par l'épreuve, ou l'istighatha, c'est avant. Et les deux, c'est bimana, daf' al-makroub. Mafhoum? Voilà. Wa illa fil haqiqa, si c'est compliqué pour certains, fait retiens anna tout ça, c'est mimbab ad-du'a. C'est une demande. Fil haqiqa, celui qui est malade, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison, il a fait un dua. Celui qui n'est pas malade et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être préservé, il a fait un dua. Wa hakada. Tout ça c'est min ad-du'a. Lakin, tu as des noms spécifiques. Et hada sa tayyib à comprendre. Limadha li anna ce genre de alfad, tu les retrouveras fi al-Qur'an, fi as-sunnah. Tu les retrouveras kadalik fi kutub ahli al-ilm, fi kalam ahli al-ilm. Fa différencier entre l'istighatha wa l'isti'adha, tastafid. تستفيد من حيث فهم الألفاظ وإلا فمن حيث الحكم أي le jugement فتوس الألفاظ سمينا الدعاء أي الدعاء سعبادة صرفها لغير الله شرك فلهذا شيخ الإسلام رحمه الله les a cité واحد بعد واحد في هذا الكتاب فالحكم واحد et c'est pour ça que الشيخ سعدي رحمة الله عليه il a expliqué tous ces أبواب en même temps رحمة الله عليه. وهذه الألفاظ سأعود معكم إن شاء الله في d'autres كتب. أما الحكم فكما تقدم que ce soit الدعاء أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو الاستعانة فبالمخلوق c'est du shirk أكبر متى حقيقة c'est la révision du dars précédent. فكنت est-ce que c'est du shirk أكبر تفضل. Emploie le mot dua. Tu n'as plus besoin d'employer isti'ana, isti'atha, isti'adha. Le mot dua s'englobe tout cela. Enfin, quand est-ce que c'est du shirk akbar? Tfaddal. Shirk akbar, مثلا الشخص لا يقدر او لا كان شخص تادي اذا كان الشخص لا يقدر. Tu dois avoir deux personnes الان. C'est qui ces deux personnes? La première? Al-da'i, alladhi yad'u, celui qui demande. Et la deuxième? Al-mad'u. Al-mad'u, celui qui est invoqué. Donc tu as deux personnes. Un ta réponse, tu as dit al-shakhs. On ne sait pas c'est lequel. Tfaddal, a'id l'an. Al-du'a shirkun akbar, mata al-mad'u. لا يقدر لا يقدر ولا حاضر ولا حي. نعم لا يقدر ولا ليس بحاضر et من باب أولى si il n'est pas vivant. فالعلماء ils ont cité ces trois conditions. فالذي يطلب أنت tu as ta règle الآن. Celui qui demande à une statue يدن بالله c'est du shirk akbar. لماذا? لأن cette statue elle ne peut rien faire, elle ne peut rien donner. Celui qui demande à un mort, shirkun akbar. Celui qui demande à un wali, il n'est pas présent, shirkun akbar. Celui qui demande à quelqu'un de présent, là, qu'il y a une chose qu'il ne peut pas. مثلا, la guérison de son fils, ou la guider. Ah, tout ça, c'est min al-shirk al-akbar. Pourquoi c'est du shirk akbar? Tfaddal. لأن هذا الطلب عبادة demander أو accomplir cette عبادة pour autre qu'Allah عز وجل c'est du shirk. كذلك pourquoi c'est du shirk أكبر تفضل. نعم لأن هذه الأشياء من خصائص الله أي مثلا la guérison, la guider, toutes ces choses c'est من خصائص الله أما البشر il est ضعيف كذلك لأن قلب هؤلاء متعلق بهذه المخلوقات حبا وتعظيما ورجاء وبعضهم خوفا le cœur de هؤلاء المشركون في الحقيقة il est attaché à leur idole. Que ce soit une statue, que ce soit un mort, que ce soit un wali. Ils espèrent. Ils ont peur. S'ils font une chose de mauvaise, au lieu de demander pardon à Allah Azza wa Jalla, ils ont peur. Ils espèrent. Ils dépensent des sommes énormes pour voyager, pour sacrifier, pour faire des vœux. Il a akhiré. Pour que Al-Wali réponde à leur demande. Tout ça, c'est du shirk. لماذا لأن قلب المؤمن لابد أن يكون معلقا بالله عز وجل رجاء وخوفا ومحبة وتعظيما. المؤمن il espère que Allah سبحانه وتعالى lui facilite. Il a peur de Allah سبحانه وتعالى s'il est désobéissant. وهكذا il aime Allah سبحانه وتعالى. C'est pour ça que l'ibadat al-mu'min kulluha lillahi azza wa jalla. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قلب المسلم المؤمن متعلق بالله لا غير. أما قد يقول قائل لكن العلماء ils ont autorisé avec trois conditions. Cette chose qu'ils ont autorisé les علماء, cette demande, c'est pas une ibada. C'est من حيث السبب. Maintenant, Wahid, il a besoin de quelque chose et son frère, il est présent. Et il n'a pas le choix. Il doit demander cette chose. S'il ne fait pas cette chose, il va être touché par un mal. Il a son frère, il l'aide. Min bab qawlillahi azza wa jal wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wa min bab qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam man istata'a an yanfa' akhafa liyaf'al. Celui qui peut aider son frère, fa qu'il le fasse. Fa min hadha al-bab, na'am, c'est une entraide. Et alhamdulillah, il y a du khair. Sans abuser, on répète dans la demande. Bighayri haja, bighayri darura. Si l'insan, il peut faire les choses tout seul, il fait tout seul. Lakin ahyanan, l'insan, il n'a pas le choix. Farubbama, il fait cette demande avec ces trois shurouts. C'est pas du shirk. L'imad ali annaou, c'est un sabab. Est-ce que ce musulman qui demande à son frère, mathalan, de l'aider à porter telle chose, est-ce qu'il a une aqida annaou, il peut donner, il peut enlever? Il espère de lui. C'est un sabab. Rubama lui demande et lui-même il n'arrivera pas à porter cette charge. Il faudra demander à un autre. Wa hakada. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ad-du'a yanqasim ila qismayn ma yaqa ibada wa hadha sarfuhu li ghayrillah shirk wa huwa al-maqrun bir-rahba war-raghba wal-hub wat-tadarru'. Ce qu'on vient de citer. Hadha ad-du'a. Le demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk akbar. Limadha li annahu il est accompagné d'espoir, de crainte, de ta'zim ila akhir. Hada c'est une ibada. Amma la deuxième catégorie, qala ma la yaqa ibada, hada yajouz an yuwajjah ila al-makhluq. Avec les trois conditions qu'on a citées, kathiran. Li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man da'akum fa ajibuh. من دعاكم أي celui qui vous demande أو كذلك tu as beaucoup de hadith dans les invitations إلى آخره enfin tu réponds enfin s'il y a une demande tu réponds est-ce qu'on va dire il a demandé à autre qu'Allah c'est du shirk أبدا ولا أحد من العلماء يقول أن هذا c'est du shirk هذا خلاصة الحكم de ce bab et de tous les abwab qu'on a vu précédemment sur الدعاء que ce soit l'istighatha أو الاستعاذة et كذلك s'englobe al-isti'ana. هذه القاعده المهمه. Elle te facilitera beaucoup de choses. Et on n'oublie pas une autre قاعده qu'on a vue في القواعد الاربع ان المدعو celui qui est invoqué que ça soit une pierre ou ملك من الملائكه un ange ou رسول من الرسل ou صالح ou عالم ou نبي من الانبياء ça change rien. لماذا لان الطلب il est l'irrilillah, c'est du shirk. كما بين أهل العلم رحمة الله عليهم. فلهذا قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا s'englobe toutes les مخلوقات. عبادة c'est que pour Allah. وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقوله عز وجل أحدا s'englobe tout le monde. لأن البعض عياذا بالله يقولون لكن نحن on ne demande pas à des statues comme il faisait Quraysh. On ne demande pas au soleil ou à une pierre ou à un arbre comme ils font بعض المشركين. فكأنهم ils pensent que vu qu'ils ont demandé à un salih ou à un nabi ou une personne qui a un fadl عند الله, ils pensent que c'est permis, alors que non. L'ibada c'est حق لله, c'est une قاعدة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et المشركون ils ont des شبه في هذا الباب وتأتي إن شاء الله معنا أي الشفاعة والوسيلة إلى آخره. ثم ذكر شيخ الإسلام بعض الأدلة pour démontrer أن demander à autre qu'Allah فيما لا يقدر عليه إلا الله avec ce قيد c'est du shirk أكبر. قال وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قوله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ننفق pas en dehors d'Allah une chose. Elle ne peut t'emmener aucun bien, elle peut te repousser aucun mal. L'imam, elle a invoqué autre qu'Allah. Ça nous montre que c'est du shirk akba. Et que ça nous montre que c'est min as-safaha. Amma ahlul uqul as-salima. Fadlan an al-muwahidin. Ils ne demandent pas autre qu'Allah. L'imam, c'est quelque chose de futile. Tassambur anta anna wa'adun nas. Rubbama, ils ont étudié. Aqsud, des études fi. علوم الدنيا. Peut-être que c'est un docteur, un médecin, un avocat, madri ish. Il a fait comme étude. Ma'a hada, tu le trouves. Il demande à un mort. À Sayyid al-Fulani. Et Robama, quand ils rentrent dans le mausolée, et Robama, wa'adukum, ils ont déjà vu. Hada, quand ils rentrent au mausolée, où ils se rapprochent, fayakhsha'oun. C'est ça le shirk. بعضهم ربما في المسجد لا باس خشوع سي سدي مسلم اي في المسجد ربما لا باس خشوع كون تي رونتر في الضريح دون لو موزولي خشوع ربما تنتون با ان سون بيرسون ليف لا فوا اي ركويمون اي طلب اسبوار رجاء هذا عين الشرك. فهؤلاء ربما سو اخلاص كيزون عند الضريح اي لون با quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا هو عين الشرك. أما أنت quand tu demandes à un makhlouq une chose permise avec les conditions mentionnées précédemment, vivant, capable, présent, est-ce que tu as le khushu' il a agré abadan, c'est quelque chose de mauvais. Tu lui demandes parce que c'est un sabab, peut-être qu'il ne pourra pas et tu feras un autre sabab. هذا هو الفرق في هذه المسألة. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Si tu es touché par un mal, qui c'est qui a qadr ce mal? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui peut repousser ce mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fakif, demander à un makhlouq qui n'a pas qadr ce mal, que lui-même il enlève ce mal, alors qu'il n'est pas capable. Là, demande au Créateur, Azza wa Jal. Demande à Rabbul Alamin. Demande à celui qui est capable de tout. Demande à celui qui nous a ordonné de lui demander. Wa tarda, khassatan celui qui se dit musulman. Amma fil haqiqa al mushrikun al mulhidun, ceux qui adorent مثلاً le soleil ou des vaches ou certains animaux, des pierres. Aula fil haqiqa la yu'minun bil Qur'an wa bil Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils sont ba'id. Et ça reste des mushrikun. Lakin wahid yaqra al Qur'an. يقرأ مثل هذه الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ثم تلتخب يدمند أن تنب عيدا بالله أن مور. بعضهم quand ils sont touchés par un mal la première chose qu'ils font ils vont voir un sorcier. أين قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالمؤمن doit lire le Coran et comprendre. فالحقيقه toutes ces مسائل que Cheikh al-Islam ici, vous avez remarqué que tu ne trouves pas ربما كلام de Cheikh al-Islam sauf les titres des chapitres. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Ça c'est la parole de Cheikh al-Islam. ثم que des adillah. لأن القرآن السنة سيكلير في هذا ومع هذا الوضوح وبعض الناس انحرفوا صلى الله العافية. قال وإن يريدك بخير فلا رد لفضله. كذلك si Allah il veut pour toi un bien personne ne pourra le repousser. Ce genre de ayah في الحقيقة ça fait monter l'iman. Ce genre de ayah في الحقيقة c'est une arme pour le mu'min. أنه يثبت ويصبر. Celui qui veut lui faire du mal, il ne pourra pas lui faire du mal que si Allah veut. Celui qui veut enlever un bien, un mu'min, il ne pourra pas lui enlever que si Allah y décide. Allez, هذا المؤمن revient à Allah subhanahu wa ta'ala wa la yubali bil makhluq. Le makhluq il est da'if. Wa kayd al makhluq kadhalik il est da'if. Que ce soit shaitan ou autre. Ce genre de verset, ça nous permet de renforcer notre tawhid, notre iman et notre tawakkul. Qala العلامة الشيخ صالح الفوزان أي في مناسبة الآية أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد. نعم الفيرسي اللي واضح ولا تدعو من دون الله الدعاء عبادة invoquer autre qu'Allah c'est du shirk. فلهذا قال عز وجل أين الشرك dans ce verset. قد يقول قائل on a compris لكن أين الشرك dans le verset. تفضل أحسنت فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين زد الظالمين هنا الشرك المشركون الظلم هو الشرك فالظالمون هنا أي المشركون كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم في سورة لقمان هنا الظلم هو الظلم الأكبر la plus grande des injustices الشرك بالله فلهذا قال عز وجل فإن فعلت. Et celui qui demande à autre qu'Allah, il fera partie des injustes. Et la plus grande injustice, الشرك الأكبر. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله في التمهيد يعلم أن غرض من يلجأ إلى غير الله أو يستغيث أو يستعيذ بغيره إنما هو طلب كشف الضر. كلام متين هذا. صار كلام قوي. وشروحات الشيخ صالح للشيخ في التوحيد والعقيدة قوية جدا. فيقول رحمه حفظه الله أن لا كوز et ça c'est طيب de connaître les causes pourquoi هؤلاء en général ils demandent à autre qu'Allah. Si tu réfléchis bien, ceux qui demandent à des morts, qui vont visiter des mausolées, ils demandent, ils sacrifient, ils vont voir des sorciers, pourquoi? En général, la grande majorité c'est les kashf al-dhur. Les anhum, ils ont été touchés par un mal et ils veulent se débarrasser de ce mal. Imma une maladie, imma perte d'argent, imma ils ont été ensorcelés par Wahid, imma autre chose. Imma problème de couple. Aïe, darar. Ils veulent que ce darar, ils s'écartent d'eux. Ils se tirent à faire. Enfin, ils ne demandent pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils demandent à autre. Awalan, ça nous montre anna l'insan labud an yasbir. Labud min al-sabr. لأن أنفي في هذه الدنيا والمؤمن مبتلى وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ceux qui ont été le plus éprouvés c'est l'anbiya والرسول عليهم الصلاة والسلام ثم ceux qui viennent après eux أي في الفضل والعلم والصلاح والإيمان أي plus l'insan il est قوي dans son دين plus il sera éprouvé فلا بد من الصبر بعض الناس لا يصبرون une maladie ربما c'est pas trop grave. فمباشرة عيادا بالله للسخسي وإفوالي وغفولان إفو ساكريفي أين الصبر؟ الصبر ثم في الأسباب الشرعية et on demande à الله سبحانه وتعالى et si c'est une maladie on essaie de trouver un remède pour se guérir وهكذا أما بعض الناس عيادا بالله ils ont pas de صبر. فلهذا قال الشيخ صالح إنما هو طلب كشف الضر وقد أبطل الله تعالى هذا التعلق الشرك بقاعدة عامة تقطع عروق الشرك من القلب. Kalam qawi. On a vu que la cause pourquoi كثير من الناس ils adorent autre qu'Allah, ils demandent à autre qu'Allah, on a dit c'est pour se débarrasser d'un mal. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a coupé هذا الشرك كما قال الشيخ صالح من القلب à la racine. حتى لا أحد يتعلق بهذه الحجة. قال عز وجل وإن يمسسك الله بضر. Vu que ceux qui demandent à autre qu'Allah ils ont été touchés par un mal, فالله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Ça sert à rien de demander à un mort, à une tombe, à Sidi Fulan. Ça sert à rien. Tout ça c'est belle, ça servira à rien. فقط voilà, بس. لكن ça fait sortir de l'islam. Ça annule l'amal. Et celui qui meurt à la hada al-hal, iyadan billah, à la shirk al-akbar, fa il est vinnar, khalidan fiha. Allez, hada al-haqiqa, ce verset yakfi. Pour ne plus demander à autre qu'Allah. Si tu rajoutes toutes les autres ayats, tous les ahadiths, kalam ahl al-ilm, qadiyat al-tawhid al-haqiqa, il est wadiha kash-shams. Lakin ba'd al-nas, iyadan billah, ma wuffiqu. Et ma wuffiqu li'annahum ils veulent pas le haq. Amma celui qui veut le haq, fallah subhanahu wa ta'ala karimun. Qala, yani idha massaka allahu bidhurrin, faman yakshif al-dhur, al-jawab yakshifuhu man qaddarahu wa man qadahu alayk. Kalam très simple. Vu que, on répète le verset, wa in yamsaska allahu bidhurrin, fala kashifa lahu illahu. Vu que celui qui t'a éprouvé par ce mal, c'est Allah. Celui qui peut te l'enlever, c'est que Allah. C'est ça la compréhension de ce verset. Enfin, celui qui a compris ce verset et le met en application, n'importe quelle épreuve qu'il subit, que ce soit perte d'argent, maladie ou autre, revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle m'a demandé à un mort, comme ils font al mushrikoun al yawm, هذا c'est من السفاهة c'est من الشرك بالله عز وجل. ثم قال رحمة الله عليه وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه كذلك بعض الناس. Pourquoi ils vont voir les sorciers? Ils vont voir Sidi Fulan, ils visitent des mausolées, ils sacrifient les mains. Première cause pour eux, ils sont touchés par un mal, pour se débarrasser de ce mal. كذلك, une des plus grandes causes, c'est طلب الرزق. Imma ils veulent la guider, imma ils veulent de l'argent, imma ils veulent que leur fille elle se marie, imma ils veulent que leur fille elle ait des enfants, مثلا, si elle n'a pas d'enfants, tout ça c'est mis le risque. Ils demandent le risque à autre qu'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala abtala hadhihi al-hujja al-shirkiyya dans ce verset. Fabtaghu 'inda Allah ar-rizqa wa 'abuduhu. Demande à Allah le risque, demande à personne d'autre. Limada? Lian hadha ar-rizq c'est rizqu man? C'est rizqu Allah. Que ce soit l'ilm, que ce soit les enfants, que ce soit la guidée, que ce soit l'argent, que ce soit la bonne santé, tout ça c'est un risque. Ça appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin, c'est le malik azza wa jal. C'est le raziq, c'est le razzaq. Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Falihada qala azza wa jal, wa abuduh. Adore Allah, subhanahu wa ta'ala, en demandant. Ad-du'a huwa al-ibada, fa demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as besoin d'être guidé, demande à Allah azza wa jal. Si tu as besoin d'argent, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Si wahid il est éprouvé, il n'arrive pas à avoir d'enfant, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mayyit, qu'est-ce qui peut te faire si tu n'arrives pas à avoir d'enfant? Sallallahu alayhi wa sallam, les gens min as-safaha, nahum ils égorgent, ils sacrifient pour le wali. Et بعضهم, ils vont visiter le mausolée d'un tel, les madal, et anna leur fille, ou madriman, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, al-aya, inna fiha wujub, ifradillahi bid-du'a wal-ibada wal-rad ala al-mushrikin, alladhina ya'buduna ghayra. Tout ça, c'est wadih. Wa qawlu Allah azza wa jal, ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية après avoir cité شيخ الإسلام des ayats qui démontrent la cause du shirk. Pourquoi c'est du shirk? Il a cité, rahmatullah alayhi, cette ayah pour montrer أن ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, يوم القيامة, ils se retourneront contre ceux qui les ont invoqués. Parce que, en fait, ils ne peuvent rien leur donner. Et كذلك, يوم القيامة, ils seront contre eux. Est-ce que tu as vu سفاهة أكثر من هذا؟ مع ذلك, بعض الناس, ils s'entêtent à leur demander. قال عز وجل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. Ça deviendra des ennemis. Celui qui a été invoqué dira à celui qui l'a invoqué, pourquoi tu m'as invoqué? Et il se désavouera de lui. Enfin, il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et كذلك, celui qui l'a adoré, il le délaissera. يوم القيامة. خسران. C'est pour ça que le mushrik ne réussira jamais. قال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. On reprend au début du verset. هذا سمن الضلال. Et واحد qui demande, si on prend l'exemple d'un mort, un wali, comme il les appelle, هذا سمن الضلال. Ils invoquent, et il ne peut pas lui répondre. C'est un makhlouq, va'if. Lui-même, il ne peut pas se donner un bien ou se repousser un mal. Kayf, il va aider un autre. ثم قال عز وجل وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. Comme on a cité précédemment. قال وكانوا بعبادتهم كافرين أي يكفرون بهم. Ils vont les renier, ils vont les rejeter, ils vont se désavouer d'eux. فلماذا الإنسان خاصة celui qui se dit musulman, il adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, يوم القيامة il trouvera des حسنات. كذلك mais il sera de ceux qui feront partie, inshallah, de recevoir al-shafa'a, s'il a eu du taqsir dans certaines choses. كذلك رحمةullah wasi'a. كذلك même s'il a fait des fautes et rentre fin nar, فيوم من الأيام il sortira برحمة الله عز وجل. لماذا لأنه سموحد. Celui qui meurt à la tawhid, il rentrera fil al-jannah. يوم من الدهر, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Un jour ou l'autre, il rentrera. Avec al-shirk, tout ça c'est annulé. قال شيخ الفوزان حفظه الله الآية قال أن فيها الحكم على من دعا غير الله بأنه من أضل الضالين أن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. دائما لا من مناسب أن الدعاء سن عبادة فدمند أطر كالله dans une chose qui Allah qui est capable de donner de répondre, فهذا سل الشرك أكبر. قال شيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد فإذا كان من سوى الله فإذا كان من سوى الله لا يستجيب إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستغيث به من دون الله. Si on est d'accord أن هؤلاء ils peuvent pas répondre et tous ceux qui lisent le Coran normalement ils doivent être d'accord معنا لماذا لأن le verset il est clair فلماذا lui demander. Ça montre la safaha. قال فبطل تعلق هؤلاء العابدون بمعبوداتهم فالذي يأتي للبدوي أو للدسوقي في مصر. شيخ العثيمين cite des adrihas, des mausolées qui sont adorées min dounillah. هذه الأضرحة elles sont connues, خاصة ضريح البدوي. هذا الضريح il est visité par des millions de personnes عياذا بالله. لهذا شيخ العثيمين il l'a cité. Et c'est le cas dans beaucoup de بلاد مسلم للأسف. لهذا ça nous montre أن la première chose à laquelle on doit appeler c'est هذا التوحيد. فكم من الناس يعبدون غير الله عز وجل. هذا المقبور البدوي. Est-ce que c'est un صالح? C'est pas un صالح? حقيقه cette question elle a même pas être posée, même si c'est un salih on n'a pas le droit d'adorer. قبر النبي صلى الله عليه وسلم افضل البشر عليه الصلاه والسلام, le meilleur des hommes, خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام, on n'a pas le droit de lui demander de l'adorer. Enfin, celui qui va à Medina pour faire l'umra ou autre, il fait salat fi masjid an-nabi صلى الله عليه وسلم ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم, il n'a pas à lui demander. Là, yusallim alayhi kama ja'a fi sunnah et yakfi. Amma du'a, c'est quand tu fais salat, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu sois fil Madina ou autre. Wa'aduhum, ils ont adoré ha'oula al-rijal. Qala فيقول المدد المدد أو أغثني لا يغني عنه شيئا. نعم بعضهم يفون دي دوموند كلير, بعضهم يلاس دي مو, بعضهم يفون دي فو يساكريفي اي دوموند ثم إيسا. والله هؤلاء tu les vois, أي ceux qui font salat parmi eux, tu le vois في صلاته لا خشوع, ربما il a fait rapidement, بعضهم يدلس salat, بعض هؤلاء يفون pas du tout salat. Ça montre أن القرب il est مريض, بل بعض هؤلاء leur cœur il est mort بالشرك عيادا بالله. Là, tu trouves, pour demander aux morts, ils dépensent des sommes, ils dépensent des sommes énormes. Bardoum, ils voyagent. Bardoum, ils viennent depuis lointain pour venir visiter Al-Badawi à Misr. Sauf moi, quand il arrive vers le Qabr, khushu'. Bardoum, ils pleurent. Sauf moi, quand il approche, quand il rentre dans le mausolée à côté de la tombe, le silence et ad-du'a, ça dure des heures. Sauf moi, quand il faut faire as-salat, cette ibadah azima, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqrab ma yakun al-abd, lillah azza wa jal, wa huwa sajid, le moment où l'insan il est le plus proche d'Allah, c'est quand il est sajid, tu le trouves, rubbama, la yatamakkam min as-sujud, même le sujud, il ne reste pas, rubbama, une seconde. Ba'dahum, quand il pose le front sur le sol, il se relève. Imad al-hin al-qalb, il est marid, ayyadun billah. Alors qu'à ce moment, fi sujud, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi al-husna, وصفاته العلى يتأدب في الدعاء يدمند ce qu'il a besoin, الحمد لله الحمد لله. الله سبحانه وتعالى il lui répond, إما il lui répond, il lui donne cette chose qu'il a demandé, إما il lui repousse un mal, إما et il lui répondra يوم القيامة كما جاء في الحديث. فضل عظيم, لكن هذا c'est pour الموحدون. قال الشيخ ابن عثيمين ولكن قد يبتلى فيأتيها المدد عنه أو عند حصول هذا الشيء لا بهذا الشيء أساس من فتنة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء qui veulent pas écouter, qui veulent pas écouter نصائح الموحدين, qui veulent pas revenir, qui veulent pas délaisser هذا الشرك, كثير منهم ils sont éprouvés. ربما son fils il est malade, peut-être qu'il va voyager pour visiter, si on prend l'exemple هذا القبر البدوي. Quand tu vas aller visiter, il va demander, il va faire son shirk, iyadun billah, rubbama, il va sacrifier. Quand il retourne dans son bilad, il trouve son enfant guéri. C'est une fitna. Kathir min hawla al-juhal, il pense, yaqulun, unzuru. Vous dites que ça ne sert à rien, vous dites que, regardez, j'ai demandé, et lui il a demandé à Allah, Allah il a répondu. Shirkun billah, ça c'est une fitna. Qal shirkun al-Uthaymin, rahmatullah alayhi, wa farqun bayna an ya'ti bil-shay, wa ma ya'ti inda al-shay. Ça c'est ibtila min Allah. Qui c'est qui a guéri son enfant, c'est Allah. Est-ce que le fait qu'il ait demandé à Al-Badawi, ça a changé quelque chose? Abadan, lakin c'est une fitna. Vu qu'il ne veut pas écouter, Allah il l'égare encore plus. Wa illa, c'est Allah qui a guéri son enfant. Et huwa, il pense anna, c'est quand il a été visité. Alors que, abadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Amma, cette visite, c'est du shirk. Abillahi azza wa jal. Thumma qal, وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص أن فيها بطلان الاستغاثة بغير الله, لأنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء النازل ويحيي ويميت سواه عز وجل. أَمَّنْ يُجِبُ الْمُطَّرْ إِذَا دَعَى. Et qui c'est qui exauce المطر, c'est celui qui fait shidda, celui qui est dans une situation difficile, critique, imma maladie, imma pauvreté, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui répond à هذا? C'est Allah. أَمَّنْ يُجِبُ الْمُطَّرْ إِذَا دَعَى. Et quand il l'invoque. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, et qui écarte le mal. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. Et c'est Allah qui élève. Foulain ça devient savant, foulain ça devient gouverneur, foulain ça devient responsable. Qui c'est qui a élevé celui qui a une responsabilité? C'est Allah. Qala a ilahun ma'allah. Ta'ammal hadha al-lafz. A ilahun ma'allah. Et est-ce que vous allez élever une créature au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce qu'il y a un autre ilah ma'allah? La. Allah subhanahu wa ta'ala واحد عز وجل سل أحد سل صمد قليلا ما تذكرون لكن كثير من الناس يسقط بالبعض بعضهم كما قلنا سي فيرسي كون فيان دو لير كو سوا من سورة النمل كو سوا من سورة العنكبوت ادخل القرآن مليء بمثل هذه الآيات بعضهم يغسل بعضهم يغسل سوفون إلى آخره ثم تلو تخوف سو فيرسي كي كلير يناقضه بكل وضوح كوم لو فيرسي إلي كلير سا كونتراديكسيون إلي كلير عياذا بالله. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن للشيخ رحمه الله في فتح المجيد يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه ولهذا قال أإله مع الله يعني يفعل ذلك لأنهم يستفتخم يا هؤلاء الناس الله كدن الناس الله كيقيد لكن يزون إن شبهة أن on les prend comme choufa'a. Hey, c'est eux qui demandent pour nous Allah et ils intercèdent pour nous. قالت فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعا. S'ils peuvent pas répondre, ça sert à rien de revenir à eux. Hum, ils vont dire, lakin des intermédiaires. Il n'y a pas besoin d'intermédiaires. Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes, il te répond. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Allah, il t'a pas dit de demander au qabr pour qu'il lui demande. لا. خاصة القبر لميت. المقبورة. أقصد لموغ لميت. فلماذا lui demander? لأنهم disent, nous leur demandons pour qu'ils intercèdent. لكن il est mort. Si tu demanderais un vivant pour qu'il fasse dua à Allah pour toi, c'est autre chose. لكن un, tu demandes à un mort. Et cette demande à un mort, c'est du shirk. لأن le mort, il t'entend pas. Et كذلك الشفاعة على des conditions comme ça يأتي. Il faut l'aidne, il faut le rida إلى آخره. فمن أخبر هذا المشرك الذي يدعو غير الله. Qui c'est qui l'a informé أن الله il a accepté la شفاعة de ce ميت. هذا on ne peut pas savoir. فلهذا on demande à Allah سبحانه وتعالى. Même شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم on ne la demande pas au prophète صلى الله عليه وسلم. On demande à Allah عز وجل. On demande à Allah سبحانه وتعالى qui fasse de nous de ceux qui vont profiter de شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما la demande au prophète صلى الله عليه وسلم c'est du shirk. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il est mort. لكن كما قال عز وجل قليلا ما تذكرون. كثير من الناس عياذا بالله ils sont écartés. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أي dans une chose que y'a qu'Allah qui peut donner فلا يجوز الاستغاثة بغير الله. هذا الحديث لضعيف. نعم، لأن العلماء اختلفوا في ابن لهيعة، قال في الحاشية رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث، وبعض العلماء يحسنون هذا الحديث كالشيخ الألباني رحمة الله عليه فيما أظن، لأنهم يزعمون قول في ابن لهيعة يدود خصافهم يردون مثل هذا الحديث لأنهم يضعفون ابن لهيعة. هذه المسألة assez vaste. Aïe, le khilaf des savants par rapport à ce rapporteur, Ibn Lahi'a. Enfin, ceux qui disent qu'il a accepté son hadith, ils acceptent ceux qui disent là. Fayaqulun, annahu il est da'if. Wa mimman yudha'if Ibn Lahi'a, al-imam al-shaykh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i, rahmatullah alayhi. Ala kulli hal, al-ma'na il est sahih. Qala al-shaykh al-Bawzan, hafidha Allah, fihi inkar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-istighatha bi ghayri Allah. Bien sûr, on a détaillé quand est-ce que c'est du shirk, quand est-ce que c'est pas du shirk. هذا الباب il est مفيد. Ça c'est un bab qui montre أن هذا الدعاء et c'est une عبادة عظيمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم il a appelé الدعاء عبادة. الدعاء هو العبادة. أما الحديث que c'était في الأصول الثلاث تقدم معنا الدعاء مخ العبادة فيه ضعف. الصحيح c'est الدعاء هو العبادة. أي الدعاء سي العبادة فسي عبادة عظيمة فلا الدنيا أو دموندي أطرق الله سبحانه وتعالى سي تخي تخي غرام إهم بغ نحن ندموند بتضرع وخشوع ورغبة ورهبة وخوف هذا سي بشرك أكبر وكم من الناس عيادا بالله انحرفوا في هذا الباب كم من الناس يدموند أدمار لماذا؟ لأنهم تأثروا بفرقتين deux groupes égarés عياذا بالله qui ont fait beaucoup de mal في هذا الباب في باب التوحيد que ce soit الدعاء ou autre الصوفية الضلال الرافضة الزنادقة هؤلاء ces deux groupes et ils se ressemblent dans beaucoup de points et ils sont d'accord dans beaucoup de points et ils s'entraident dans beaucoup de points ils sont connus أنهم يعبدون غير الله يعبدون غير الله dans beaucoup de مناسبات et que ce soit avec le sacrifice que ce soit avec le dua que ce soit avec un nadr et d'autres ibadat et vu que ces deux groupes ils sont répandus dans la umma فكثير من العوام المساكين تأثروا بهذا تأثروا بهذا et ils demandent à autre qu'Allah عز وجل et ils ont des choubah فَعَلَيْنَا الْجِدُ وَالْإِجْتِهَادُ on doit faire des efforts nous comprendre ce genre de verset et les expliquer فَكَمْ مِنْ هَؤُلَا وَرُبَّمَا يَقْرَى هذه الآيات لكن à cause des bid'ah des choubahat et des ma'asi il ne les comprend pas وَبَعْضُهُمْ لَا يَقْرَى أَصْلًا فَنَحْنُ عَلَى كُلِ حَلُ مُنْتَ celui qui accepte alhamdulillah et celui qui accepte pas فَمَا عَلَيْنَا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ On conclut avec la parole de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, qala, babun, ay, tout ce qu'on va lire là, c'est le résumé des trois abwab. Min al-shirk al-nadru li ghayrillah, wa min al-shirk al-isti'adatu bi ghayrillah, wa min al-shirk al-yastaghith bi ghayrillah, ou yad'u ghayrah. Il a expliqué les trois en même temps dans ce charh. Qala, famata fahimta al-dhabit al-sabiq fi haddi al-shirk al-akbar. وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. Vous avez remarqué que Cheikh Saadi insiste beaucoup. Il a recité al-dhabit. Al-dhabit c'est une chose pour comprendre, une définition. Enfin, si tu as compris, il y en a celui qui accomplit une ibada pour autre qu'Allah, vu que la ibada c'est que pour Allah, هذا c'est du shirk akbar. قال فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي وإلى نعم المصنف بيانها التي والى المصنف بيانها فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به et on avait expliqué أن العبادة c'est الوفاء به فلهذا il a précisé Cheikh عبد الرحمن هنا رحمة الله عليه أما ابتداء النذر فأقل شيء سمكره قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. Donc accomplir هذا النذر pour autre qu'Allah سبحانه وتعالى c'est du shirk بالله عز وجل. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا ستعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في العبودية. قال والنذر من ذلك وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها on avait dit أن الاستعاذة c'est pour الشرور والاستغاثة كذلك c'est pour الشرور c'est pour الشدة لكن الاستعاذة والاستغاثة il y a un فرق أي avant que le mal il te touche ou l'insan il est déjà dans ce mal et il subit déjà l'épreuve c'est ça la différence entre les deux قال والاستغاثة به في كل شدة ومشقة فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد وصرفها لغير الله شرك وتنديد accomplir ces ibadats que ce soit le nadr que ce soit le dua que ce soit l'istiada l'istighatha pour Allah seul c'est du tawhid les accomplir pour autre qu'Allah même si l'insan les accomplit pour Allah لكن l'associer à Allah عز وجل في هذه العبادات c'est du shirk والتنديد ça ressemble au shirk. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال والاستغاثة هي الدعاء لله في حال الشدائد. Vous avez remarqué la différence. الدعاء عام في كل الأحوال. الدعاء c'est global. Que ce soit pour un bien, pour repousser un mal, on appelle ça الدعاء. فالحقيقة الاستغاثة c'est une sous-catégorie de الدعاء. Et c'est un دعاء. لكن c'est plus précis, c'est في الشدائد. ثم il y a une autre différence entre l'istighatha et l'isti'ad. Si l'insan est déjà dans le mal, ou il n'a pas été touché par le mal, mais il veut se préserver. C'est ça la différence entre les deux. قال فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده وهو المجيب لدعاء الداعين المفرج لكروبات المكروبين ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. C'est ça le حكم. Celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mushrik kafir. Et il a cité les ibadat qu'on a étudiées ensemble. Que ce soit un nabi, un malak, un wali, un saint, un prophète, un ange, tant que c'est un makhluk, la yajouz. قال وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل. وهذا هو حال المشركين. أنهم ils ont perdu leur دين à cause du shirk et كذلك ils ont perdu la raison. لماذا؟ لأن العاقل il peut pas demander à une chose et cette chose elle est incapable de lui donner. فتصور أنت أن البعض ils adorent des animaux عياذا بالله. بل à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وبعضهم ils adoraient des dattes qui mangent tous les jours. ثم أحيانا quand il avait faim il mangeait cette date. ثم il choisissait une autre et il l'adorait. Ça montre un problème fil aql. Wa illa wal aql, il va pas adorer une chose qui peut rien lui donner. Abadan. Qala wa kama annahu kharaja min ad-din faqad tajarrada aydan min al-aql fa inna ahadan min al-khalq laysa 'indahu min an-naf' wad-daf' mithqala dharratin la 'an nafsihi wa la 'an ghayrihi bal al-kull fuqara'un ila Allah fi kulli shu'unihim. Sahih. Et ça c'est une règle. Anna personne ne peut te donner un bien أو تبخزغبنا من المال صف الله عز وجل. لماذا؟ كما قال عز وجل، كما قال المؤلف، أي الكل فقراء فقراء إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله. هكذا قال عز وجل. الفقراء c'est le pluriel de فقير. Ça vient du mot فقر. والفقير c'est celui qui a rien, celui qui est pauvre. Ça ressemble au mot مسكين. فالله سبحانه وتعالى il a qualifié العباد de فقراء. صحيح. لماذا؟ لأن même ce que tu as في الحقيقة ça t'appartient pas. Ton corps في الحقيقة il t'appartient pas. C'est لله عز وجل. Ton nafs ça ne t'appartient pas. C'est لله عز وجل. فضلا les biens que tu as enfant إلى آخره. Tout ça c'est من رزق الله. فالإنسان il est فقير. Et si on comprend bien هذا ça va nous éviter plusieurs choses très graves. Que ce soit dans le comportement الفقير. Pourquoi s'enorgueillir al kibr ila akhirah wal insan il est faqir, on possède rien fil haqiq. Et كذلك ça va nous permettre de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi adorer autre qu'Allah alors que هذا العبد كذلك il est faqir, même s'il a un fadl عند الله, même s'il a un rang élevé عند الله, c'est un faqir. Ay sa abd makhluq, il peut rien qaddam, il peut rien akhar. Tout ça ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kalam Cheikh Abd al-Rahman il est مفيد مع اختصاره. Vous avez remarqué que son شرح يتميز عن غيره أنه il a pas détaillé toutes les ayat. C'est pour ça que on prend du temps de citer بعض كلام أهل العلم pour bien comprendre pourquoi ce verset il a été cité. ما شرح عبد الرحمن رحمة الله عليه sa tariqa c'est de donner une معنى مجملة sans rentrer dans les détails. Et في الحقيقة هذا c'est نافع si tu veux lire هذا الشرح مثلا à tes proches ou fil masjid, celui qui a le qudra. فالعوام ربما ils vont pas comprendre beaucoup si tu détailles les ayats, pourquoi il a cité هذا, pourquoi ربما ça va être ثقيل عليهم. تقرأ عليهم الآيات ثم tu leur expliques l'ayat avec الشرح شيخ عبد الرحمن. Très simple, quelques lignes. ربما un quart d'heure et tu leur expliques الباب. أما نحن on détaille un peu plus. لماذا؟ Pour avoir plus de معلومات إلى آخره. أما في الدعوة il faut s'adapter. Si c'est des عوام أو في المسجد أكثرهم سيدي عوام الإنسان يسمبليفي إلي الآيات ثم إلي الشرح الشرح هي خير كثير sans rentrer مثلا dans les détails استغاثة استعاذة tout ce qu'on a cité les différents العوام لا يفهمون هذا فالدعي إلى الله il faut qu'il soit ذكي. الخلاصة أنت tu leur lis les trois bêtes, tu leur montres que النذر et الدعاء c'est une عبادة et tu leur fais la خلاصة أن السد على غير الله c'est du شرك et كلام شيخ سعدين الطيب. Ça va être un rappel pour eux s'ils comprennent. نكتفي بهذا القدر et on passe à notre prochain درس بإذن الله عز وجل.